C'est l'heure. Préparez votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse, car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de Séance de minuit. Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, je suis Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, spécial Halloween. Puis comment faire un spécial Halloween plus Halloween qu'en parlant d'un film de la franchise Halloween qui a le meilleur titre de franchise ever pour les amateurs de films d'horreur. Donc Halloween 2018, bien sûr, un film qui est dans rumeur depuis 10 ans, gros, depuis le dernier film de Rob Zombie. Il y a tout le temps un Halloween qui est en projet, puis il a pris comme 75 formes différentes à travers le temps. On y a eu tellement de réalisateurs qui ont été confirmés, infirmés, et éventuellement, on a su que David Gordon Green, qui à la base était associé à un remake de Suspiria qui a développé pendant longtemps et qui lui a échappé des mains. Et ironiquement, ce remake de Suspiria sort aussi la semaine prochaine, mais ça, c'est le sujet d'un autre épisode. Donc, David Gordon Green et son compère Danny McBride qui ont embarqué sur le projet en collaboration avec le studio Blumhouse, qui est une figure majeure, un joueur établi des dernières années en horreur, donc qui ont recréé Halloween. Comment on l'appelle, les gars? Moi, j'ai Halloween 2018, Halloween H40, Halloween 2, Halloween 2-3. Moi, je l'ai dit, le meilleur titre qu'il y aurait eu, là, il aurait dû appeler ça The Shape. The Shape. Oh, ouais, c'était parfait, Chris. Je comprends même pas qu'il ait pas pensé à cette idée-là. Vous les entendez répondre, puis c'est vrai que The Shape, ça aurait été pas pire. Tant qu'à se différencier, puis à recommencer la série une 20e fois. Donc, à séance de minuit, on n'était pas tous aussi excités que vous, parce que oui, Halloween 2018, c'est pas mal l'événement d'horreur de l'année pour bien des gens. On en entend parler depuis une éternité. Tous les détails de la production sont sujets à potin. Et c'est enfin arrivé. Donc, il y en a un parmi nous que c'est son bébé, puis qu'il l'attendait de pied ferme. Il l'a vu en avant-première. C'était juste que ce soit lui qui y aille. C'est Jean-François Ouellet. Salut! Yeah! J'ai amené mon masque pour l'événement, puis toutes mes autres Blu-ray. Je suis fucking hypé pour ça, man. J'ai hâte d'en discuter avec vous autres. Ben, je suis bien content que tu aies enfin l'occasion d'en parler, parce que toi, Halloween, c'est ton bébé. Et, c'est la série. C'est que j'aime ça. Et sinon, le gars cynique, il s'en crisse. Il aime bien le film de Carpenter, mais il pensait pas que ce nouveau chapitre allait être à la hauteur. C'est Steven Lefrançois. Salut, salut mon petit bougon. Salut, c'est vrai, j'avais l'air du snob, hein? Tout le monde était excité. Moi, j'ai comme, bah, ça a juste l'air d'un rip-off de d'autres volets qui essaient pourtant de renier. Je suis pas convaincu. Mais écoute, j'ai fini par embarquer vers le hype à la fin, puis j'étais comme, j'ai quand même hâte d'aller voir ça. Là, apparemment que c'est bien bon. C'est difficile quand on est nous trois qui s'excitent à un rien de rester insensible à la sortie d'une nouveau Halloween, ne serait-ce que parce qu'on se fait contaminer par tout le monde qui est tellement sincèrement excité d'y aller que tu finis par avoir le goût aussi là, de pitcher au cinéma pour découvrir les nouvelles aventures de Laurie et Michael. Donc, est-ce que Steven et Jean-François ont campé sur leur position? C'est un film qui a été très bien reçu, autant au box-office qu'au niveau de la critique. Donc, souvent présenté comme le meilleur depuis l'original. Il a complètement explosé le box-office. Meilleur premier week-end pour un film de Blumhouse. Pas mal, moi, à ma connaissance, le slasher qui a le mieux marché aussi au box-office. Ça a mieux marché qu'il y a une dizaine d'années quand on en sortait plein en formule remake. J'ai jamais vu un tel buzz pour que ce soit pour un remake de Friday the 13th ou Nightmare on Elm Street. Il y avait vraiment de l'excitation, mais là, tu regardes les chiffres, puis clairement, ils ont été capables de transmettre cette excitation-là hors de la base vraiment fermée des fans de slasher, que tu croises sur Internet, puis les méga trippeurs qui se font tatouer Myers sur le corps, puis qui ont une collection de masques. Mais là, j'ai l'impression qu'on a été capable d'aller transmettre un peu la frénésie Halloween au grand public, entre guillemets. Donc, le dernier, ça doit être Scream, oui. Marché autant. Ouais. Oui, d'ailleurs, Scream, c'est probablement le slasher qui a le mieux marché au box-office avec le premier Halloween. Si tu fais des ajustements à l'inflation, là, parce que là, ils vont vous dire « Oh, c'est déjà le slasher qui a le plus pogné Halloween de David Gordon Green. » Mais si tu ajustes à l'inflation, le film de Carpenter avait été un immense succès. On parle de pratiquement 200 millions en argent d'aujourd'hui. Bien sûr, ça a été une sortie. Ceux qui connaissent le film savent, là, c'était un petit film indépendant. C'était des roadshows au début, donc ils se promenaient de ville en ville avec le film. Puis éventuellement, il y a eu une sortie plus grosse. Puis ça a vraiment été par plateau, mais c'est devenu le phénomène légendaire qu'on connaît. Puis à l'époque, pour un petit film indépendant comme ça, c'était avec Mad Max de George Miller, je pense que c'était les deux films qui avaient fait le plus gros retour sur investissement. Et je sais plus où je m'en allais avec tout ça, mais oui, bref, Scream puis Scream 2, là, ça avait été des méga phénomènes aussi. Puis je pense qu'il y avait le mélange de on arrive, puis c'est pas juste un autre slasher, c'est un film qui réinvente complètement le genre, ou dans le cas d'Halloween, qui invente le genre, donc qui répond à un besoin que les gens avaient. Mais bref, je vais m'arrêter, je sais plus pourquoi je suis débordé sur tout ça. C'est Halloween, on trip, on a plein d'affaires à dire, c'est malade, puis on a très hâte de savoir est-ce que Steven a aimé ça ou pas. Michael Myers is a human being who killed his sister when he was 6 years old. And he came after you. We just want to know why. We want a glimpse inside his mind. Michael Myers murdered 5 people. And he's a human being we need to understand. They're transferring him. Tomorrow, 7 o'clock. No, he'll be locked away until the end of his days. That's the idea. Laurie, we saw him. We met with Michael. I showed him the mask. There was nothing. No response, nothing. He won't talk to anyone. Never has. But I think he might speak with you. Donc, Halloween de David Gordon Green, phénomène de l'année en frais de films d'horreur et de slasher. Se passe 40 ans après les événements du Halloween de Carpenter en 78 et on va retrouver le personnage de Laurie Strode qui est repris par Jamie Lee Curtis dans ce film-là. Mais avant tout ça, on va s'ouvrir sur une scène d'introduction qui nous présente deux petits journalistes qui veulent retourner sur les traces de Michael Myers, rouvrir un peu le cas, étudier tout ça, faire un petit podcast par rapport à son histoire et à l'histoire de Laurie Strode en même temps. Donc, ils vont aller le voir dans l'espèce de d'asile où ce qui est enfermé depuis 40 ans, depuis les événements du film original. Et on va découvrir un Michael Myers qui a rarement été aussi imposant. Et il va se faire présenter le masque des événements de la nuit originelle et c'est là que tout va commencer. On va les retrouver chez Laurie Strode, ces deux journalistes-là, pour avoir des informations. Puis on va la découvrir dans une maison qui est une espèce de fort. Elle est préparée pour la guerre, dans le fond. Elle est aussi munie d'armes que l'armée des États-Unis au complet. Et elle attend le retour de Michael Myers qui, vraiment, c'est une bonne idée, mais le soir de la 40 ans de son incarcération, ils vont le transférer, et qui est une idée géniale parce que ça va nous amener à la nuit d'Halloween du 31 octobre, 40 ans plus tard, avec un nouveau personnage, dans le fond, qui est la nièce de Laurie Strode, qui s'appelle Allison. Qui sa mère, dans le fond, sa mère l'a tenue loin de sa grand-mère parce qu'elle est un peu agoraphobe, puis elle a viré folle après les événements. Donc, on va découvrir une famille un petit peu déconstruite et avec des nouveaux personnages et tout ça. sur une nuit où Michael Myers se libère et va faire un putain de carnage dans la ville d'Haddonfield. Écoutez, les garçons, je l'ai vu en avant-première dans une salle quasi comble au Forum à Montréal. Et on sentait l'excitation vraiment à son comble avant la projection. Moi, j'attendais ce film-là. Là, c'est comme Marc-Antoine l'a dit dans l'introduction, j'adore cette série-là. Halloween, c'est mon bébé, c'est ma série de slasher favorite. Il n'y a pratiquement pas de chapitre que j'aime pas, à part, bon, on va en parler plus tard, notre éternelle guerre entre les chapitres de Rob Zombie et Marc-Antoine et moi et Steven. Mais bon, ça va être pour une autre discussion. Là. Je vais commencer par mon opinion de ce film-là. Je vais commencer par parler du générique d'ouverture. Quel putain de génie! Ça nous ramène... ça met la place pour un Halloween qui va se mettre vraiment dans des pantoufles, qui va ramener un petit peu le vibe de Carpenter, va ramener beaucoup de clins d'œil aux idées originales des autres chapitres de la série. Ça va vraiment placer une histoire, une relecture mais des personnages pour montrer de quoi de nouveau dans une base qui est typiquement slasher Halloween dans le fond, parce qu'on va découvrir Jamie Lee Curtis qui avait des problèmes mais qui a décidé de les combattre puis d'y faire face parce que ça, sinon elle sait qu'elle va être hantée par ce boogeyman-là qui est Michael Myers tout le restant de ses jours, fait qu'elle voulait en profiter pour le soir de son transfert pour le tuer, mais elle n'a pas été capable. Puis finalement, ça donne bien, il va se libérer puis elle va réussir à faire face à son plus grand boogeyman, si on veut. La réalisation de David Gordon Green est vraiment, vraiment inspirée dans ce Halloween-là. Je trouve que ça fait un pur slasher, mais moderne. Il y a vraiment des bonnes idées. On part pas dans tous les sens non plus. On ramène ça à la base, j'ai trouvé. Des scènes efficaces, des beaucoup de clins d'œil à l'original. Je déblatère vraiment rapidement, mais il y a un plan-séquence qui est une des plus belles scènes du film en tant que tel, qui nous amène dans un quartier d'Haddonfield qui nous fait sentir à la maison. Tu sais, j'avais l'impression d'être vraiment là, dans la suite d'Halloween de Carpenter, dans les mêmes quartiers, le même genre de trick-or-treating, les jeunes costumés, beaucoup de citrouilles, beaucoup de... On commence un petit peu l'introduction de nos nouveaux personnages de la même façon. Ils prennent une marche, il y a des... Tu sais, t'essayes de trouver, voir s'il n'a pas mis Michael Myers tout de suite dans un buisson comme dans le premier. T'as vraiment un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Moi, j'ai trippé vraiment solide par rapport à ça. Puis ce qui m'a surpris vraiment tout au long du film, parce que j'ai trouvé, je vais le dire tout de suite, l'introduction, le premier acte, je l'ai trouvé quand même long. Il est lent, ça met bien en place ces personnages, mais c'est pas tout le temps aussi bien qu'on peut le penser. T'sais, il y a un petit peu... dans l'écriture des personnages de la famille puis l'espèce de dystopie là, par rapport à ça, je trouvais ça un petit peu plus ou moins habile, mais ça va se placer au courant de l'histoire. Ce qui est important à noter, je pense, c'est le kill count dans ce Halloween-là est assez impressionnant. Michael Myers est en tabarnak. Ça fait 40 ans qu'il n'a pas bougé de son bloc de béton dans son asile, puis là, il est vraiment à l'extérieur pour faire un carnage des plus sanglants. Il fait peur, Michael, dans ce film-là. L'espèce de scène iconique où il va retrouver son masque, ça me donnait des frissons. Le masque dans ce Halloween-là est vraiment... il est purement... ça rappelle le Sam Lewis qui dit que c'est juste l'incarnation du mal. Parce qu'on le sait que dans plusieurs des chapitres d'Halloween, le masque, des fois, c'était plus ou moins crédible. La qualité ou genre le visuel n'était pas tout le temps le fun. Dans celui-là, Michael Myers est de retour vraiment de façon grandiose. Des plans derrière lui, il est très imposant. Il marche droit, il se le relève droit. Il y a des mimiques à la Michael Myers qui sont là. Quand il tourne la tête sur le côté, c'est encore là. Et plein de petits clins d'œil qui rappellent l'original. Le drap qui rappelle le fantôme dans Halloween 1. Il y a plein de plans comme ça. Puis ça m'a jamais gossé, ça. Parce que honnêtement, je trouvais que le côté hommage était assumé pleinement, puis il était mêlé à un petit côté humoristique qu'on avait rarement vu dans un film d'Halloween. Donc, ça blendait super bien. Puis il faut vraiment le dire, là, John Carpenter qui est de retour à la soundtrack, qui nous sort une putain de soundtrack solide, là, qui nous rappelle les meilleurs moments de la série. Honnêtement, tu sais qu'il était content de faire partie de ce projet-là, John Carpenter, parce que tu sens qu'il y a de la passion. Puis il y a beaucoup de talent à l'écriture de la musique de films d'horreur. Tu sais, on le sait, il compose la plupart de ses soundtracks. Mais là, il revient vraiment en forme avec des moments mémorables. Beaucoup de meurtres très, très, très violents. Là. Je ne veux pas toutes les nommer. Je fais un résumé de mon opinion. Mais j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Puis j'aime vraiment ça pareil. Mais j'ai pris mon pied avec cette suite au premier chapitre. Puis je l'ai vu deux fois. Je l'ai revu une semaine après, avant le podcast. Puis je vais le revoir plein de fois. C'est un de mes chapitres que j'ai trouvé qui nous ramène bien, bien dans nos pantoufles de la série originale, là, avec les meilleurs chapitres de la série. Tu cèdes la parole à... Ah, je sais pas, allez-y, on va en parler plus en détail, mais là, j'aurais pu faire le tour du film, okay. Mais j'aime mieux garder ça straight pour le moment. Fair. Steven, man, c'est tellement mystérieux. C'est que t'en as pensé de ce film-là? J'ai tenu mon bout, contrairement à toi, Marc-Antoine. Bonne note, j'ai rien dit. Écoute, c'est ça, moi j'étais pas vraiment happé, j'avais pas trop d'attente, puis j'ai eu une bonne surprise. J'ai trouvé que c'était quand même assez bon, avec plusieurs qualités, mais j'ai mes réserves, et je trouve qu'on est loin de la perfection que je vois un peu partout traîner. Là, les gens sont très excités, puis je sais pas, c'est-tu l'effet qu'on a eu de la marde dans les Halloween, dans les derniers volets, que... Celui-là vend du rêve, mais sans spoiler mon avis, ouais. J'ai un peu l'impression que ce Halloween-là, c'est le nouveau Force Awakens. Tu sais, quand le jour que ça sortait, le nouveau Star Wars, tout le monde était « Oh my God, c'est genre le meilleur depuis blablabla », puis genre 6 mois après, c'était plus ça. Puis j'ai l'impression que ça a peut-être ça, ce Halloween-là. C'était juste un rip-off. Non, mais Chris Mann, méchante bonne comparaison. J'aurais jamais pu... j'ai pas pensé à ça, mais vraiment bonne comparaison. Écoute, moi, j'avais mes réserves à savoir... Écoute, tu décides de renier des années de suite, même le 2. Tu sais, t'as vraiment tout renié pour partir des bases à zéro puis faire une suite directe à ce film-là. Fait que pour moi, dans ma tête, tu veux faire ce geste-là qui est quand même couillu, on se le cachera pas. C'est que t'as des idées. Tu veux amener la série complètement ailleurs. Tu veux faire quoi de nouveau? Tu sais, la relation frère et sœur entre Michael et Laurie qui est établie depuis toujours dans la série, que tout le monde prend ça pour acquis, tu sais. Et puis là, tout a disparu, fait que je suis comme Chris Go. Puis là, je voyais les critiques sortir, les gens en parlaient, que ça apportait une nouvelle dimension qu'on n'avait jamais vue dans la série, puis ainsi de suite. Et moi, je vais tout de suite commencer avec les points faibles, parce qu'il y en a, puis je préfère commencer avec la shit. J'ai pas le feeling que ce film-là apporte une nouvelle dimension ou une nouvelle profondeur. Je suis d'accord pour dire que quelques idées intéressantes. J'aime beaucoup l'effet de l'impact de cette nuit-là sur Laurie par rapport à sa famille, que ça l'a engendré. Je trouve ça intéressant. J'aime aussi. Y a-tu une nouvelle idée dans ce film-là? Écoute, Laurie, elle se prépare pour son retour, puis elle veut le dégommer. Là. Je pense que c'est le seul truc qui est. Oui, mais tu sais, transformer Laurie en Sarah Connor, je veux dire, c'est-tu une si grande idée? Dans le sens que moi, je suis pas un détracteur de H20. C'est un volet qui a plein de défauts également, je peux en dire. Mais H20, je trouve que c'était un film d'une série où que ça restait dans ses pantoufles, puis ça en allait vers de quoi de vraiment misérable, rendu au 6. Que là, on en revient aux sources, quelque chose de minimaliste. On revient avec Laurie, là, ça fait 20 ans plus tard. Puis je trouve, moi, qu'on ne retrouve pas tant une Laurie différente. La seule différence, c'est que là, on n'est pas en face d'une Laurie qui est déjà prête à se battre. On est en face d'une Laurie qui a été marquée grandement par cette nuit-là, qui est rendue paranoïaque, sous médication. Elle a dû changer de nom, d'identité. Fait que ça, c'est un aspect, je trouvais, qui apportait une dimension nouvelle à la série vraiment différente. Là, on retrouve une Laurie qui semble être Sarah Connor, puis prête à se battre, mais entre les lignes, quand tu vois ses liens, tu vois qu'elle est encore troublée, qu'elle se la joue prête, mais plus ou moins prête, parce qu'elle est atteinte psychologiquement, Laurie, puis j'ai pas l'impression de voir une Laurie si différente du H20, alors que tout le monde semblait proclamer ça, et j'enlève rien à ça, parce que honnêtement, les meilleurs moments dans le film, je trouve, c'est avec Laurie, puis on n'a pas assez de Laurie, on n'a pas assez de Jamie Lee Curtis. Elle apporte une dimension dramatique qu'on avait également dans H20, mais comme dans H20, on transfère les moments avec Laurie, puis plus adulte, avec les moments des jeunes. Ce qui veut dire la petite fille de Laurie qui va dans un party d'Halloween avec ses amis. Puis là, on est crissement en terrain connu, puis je suis comme... Écoute, on est dans les pantoufles, les amateurs de slasher vont sans doute pas cracher là-dessus, mais là, moi, je suis devant un film qu'on m'a promis d'être différent, qui a effacé une série pour m'apporter des nouvelles choses, puis Chris, non, man, t'es dans tes pantoufles. La deuxième partie du film, on est clairement dans Halloween 1 rip-off, Michael qui revient en ville durant la nuit d'Halloween pour venir se venger. Il n'y a pas tant de nouveautés. Je me suis fait vendre du rêve alors que j'ai l'impression que le monde s'est fait berner par l'enthousiasme. Et tu sais, vous avez le droit, c'est correct. Mais moi, je trouve pas que le film apporte des nouvelles choses. Rendu là, je trouve que le film est crissement efficace. Et c'est là les points forts, et je comprends pourquoi le monde trippe. La réalisation de David apporte vraiment beaucoup de qualité, des bonnes idées. Puis sans aller dans le gros gore... trop visuel, je trouve qu'il reste dans le brutal suggéré. On en retrouve le même genre de meurtre suggéré du premier, mais c'est juste que là, on va un peu plus dans la brutalité, et moi, ça me plaît. Puis David, il revient avec l'essentiel de qu'est-ce qui fait peur avec le premier Halloween, parce qu'on s'entend, il n'y a pas vraiment de slasher qui fait peur ou qui rend inquiétant, mais je trouve que Michael Myers, dans le premier, John Carpenter, avec sa caméra, arrive à lui donner de quoi d'inquiétant, parce que tu vois pas un être humain avec un masque, tu vois le boogeyman, tu vois The Shape. The Shape, c'est quelqu'un que le rire regarde par la fenêtre pendant 2 secondes, puis l'autre seconde après, il disparaît. Tu sais, c'est surnaturel, puis là-dedans, David, il l'a compris, puis il le ramène solidement avec ça. Puis tu sais, Jeff, tu l'as dit, mais... Il ramène à la base, là. Il l'amène à la base, puis tu sais, le fameux plan séquence qui est... Visuellement, c'est fantastique. C'est pas tant le kill, c'est comment il exploite The Shape en un plan. Tu sais, l'espèce de plan que Michael arrive devant une fenêtre, puis il se baisse, puis t'as juste le reflet du masque, puis après ça, ça se transporte du côté de la maison, puis tu vois juste un ombre noir passer, puis après qu'il rentre dans la maison, qu'il va venir derrière la victime. Tu sais, t'as l'impression vraiment de voir de quoi de surnaturel. La façon que c'est mis en scène, fucking, c'est crissement solide. C'est une des meilleures scènes d'horreur que j'ai vues cette année. J'ai trouvé vraiment écœurante. Puis évidemment, le score de John Carpenter vient amplifier tout ça, parce que oui, on retrouve le score original, mais avec quelques ajouts crissement bienvenus. Par moments, on a des nouveaux petits thèmes plus originaux que John a amené, puis qui sont vraiment bons. Même son thème, il l'a refait. Oui, même son thème. C'est remixé un petit peu. Oui, c'est ça. Il fait pas juste vraiment un copier-coller. Il prend vraiment la peine d'essayer de le remixer, puis d'apporter des ajouts. Puis vraiment, j'ai trippé, mais ça, c'était sans surprise. Je m'attendais à avoir de quoi de bon là-dessus. Puis les apparitions de Shape là-dedans, il y a vraiment des crises de bonnes idées. T'sais, une de mes scènes préférées également, c'est un moment avec un lampadaire qui réagit au mouvement. Je pense que c'est le meilleur moment d'exploiter le côté surnaturel de The Shape. J'ai adoré. C'est le meilleur kill du film, en plus. Ouais. Ouais, c'est non, le moment vraiment le plus épeurant aussi. Je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, tu l'as dit, JF, mais le fait de retourner ça au même endroit où ça a été tourné, c'est con, mais t'as des moments que les personnages marchent sur le trottoir, puis t'es comme, Chris, c'est le même trottoir que c'est dans le l'original. Même trottoir. Oh, avec les arbres, puis t'as vraiment un feeling de te retrouver un côté familial qu'on ne retrouve jamais dans les autres suites, que là, on le retrouvait, puis je trouvais ça vraiment bienvenu. Il y a vraiment une atmosphère familiale qui fit justement avec les thèmes un peu par rapport à Laurie, sa fille, tout ça, que j'ai vraiment apprécié. Puis le showdown final, il y a des bonnes idées, notamment un des derniers plans par rapport à ça que j'ai vraiment trouvé trippant. Je sais pas si on va aller des spoilers, je vais attendre de voir où la conversation va aller. C'est ça, j'ai passé un bon moment, mais Chris, me semble que c'est pas non plus, c'est pas la claque de cette année. Je veux dire, il y a des défauts, puis les gens, je peux pas croire qu'ils donnent des notes parfaites pour passer à côté. Excuse-moi, là, mais il y a un twist qui sort de nulle part. Je vais pas le mentionner là. Il est malade. On reparle, mais il est malade. Attends, c'était ce petit twist-là qui sort de nulle part avec un autre personnage que j'étais comme, ok, c'est... on aurait pu passer, on n'avait pas besoin de tout ça. C'est que c'est raté, c'est mal amené, puis c'est vraiment pas nécessaire. J'ai trouvé ça mauvais, c'est vraiment mauvais. Mais heureusement, ça dure pas longtemps, puis ça disparaît. Mais tant qu'à moi, j'aurais pas mis ça dans le film. C'est la partie la plus longue du film, je trouve, avec, mettons, t'sais, l'introduction était quand même importante, mais genre dans le deuxième acte, avant la confrontation finale, il y a un creux amené par ce twist-là qui est plus ou moins... j'ai pas aimé ça, sérieusement, j'ai pas aimé ça. Mais écoute, il y a d'autres points qu'on va y aller, mais c'est ça, Chris, c'est un solide slasher, puis je trouve, tu sais, oui, peut-être, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure suite depuis le premier, dans le sens que c'est celle qui se rapproche vraiment le plus de l'œuvre de Carpenter, mais dire que c'est elle qui apporte le plus de nouveauté, fuck non, je suis pas d'accord. Mais t'sais, t'sais, comme tu disais, t'sais, ça l'amène vraiment pas de nouveauté, mais en même temps, la nouveauté, on l'a eu avec Rob Zombie, puis t'as-tu vu qu'est-ce qu'il y en a fait? T'sais. On n'a pas besoin de nouveauté. Arrête de planter Rob Zombie, c'est pas le bon podcast. Non, c'est correct, mais je veux dire, ils ont tellement ramené ça à l'essentiel, puis sans dénaturer le personnage de Michael Myers, c'est le même Michael Myers que dans celui de Carpenter. Oui, mais c'est ça qu'ils font avec le but de dénaturer. Le but de Rob Zombie, c'était de dénaturer le personnage. Ouais, il cherchait à faire ça, fait que tu peux pas tenir ça contre lui. Là, David Gordon Green, il veut coller à Carpenter mort, et pourtant, mais il est pas Carpenter, fait que ça l'avantage pas. J'aime mieux un Rob Zombie qui s'en va juste complètement ailleurs, puis qu'au moins, il s'assume. Fait que mais tu peux pas changer le personnage si tu fais une suite genre direct à Halloween 1. Il faut que ça soit le même genre de personnage, puis c'est ça que j'aimais. T'sais. Puis je veux rajouter une dernière truc avant de passer à Marc, mais j'ai beau de toutes les qualités que je vais te donner à David Green, je suis même plus sûr de son nom, je vais juste dire David. David Gordon Green. Il a un esti de flair horrifique, il est capable de monter des esthétiques de bonnes scènes de tension, il fait de quoi avec sa réalisation, j'ai rien à redire là-dessus, mais il manque quelque chose qu'on a avec celui de Carpenter, puis c'est l'atmosphère. Carpenter, c'est un maître là-dedans, puis je trouve qu'il manque... Il manque la petite atmosphère du premier qui l'élève autant. Ici, je trouve qu'il manque ça, t'sais, pour vraiment élever le film encore plus loin. Je veux dire, il est talentueux, mais c'est pas John Carpenter, le gars. Pis, il manque un petit quelque chose. T'sais. C'est pas en 2018 que tu vas refaire le meilleur slasher de l'histoire du cinéma d'horreur. J'ai pas mis ça sur les épaules du film, mais Chris, man, tout le monde qui l'a vu à l'avant-première, t'as-tu vu les notes? T'as-tu vu ce qu'il disait? Non, je sais. Faut garder une réserve. Là. Le monde, ils ont trippé bien raide. Moi, comprenant, mais tu sais, c'est pas un film parfait. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je me suis gardé une réserve. Puis c'est pour ça qu'à la base, Chris, j'ai aimé ça, le film. Mais avoir été hypé comme toutes les autres, je pense que je serais sorti du film un peu en tabarnak sur certains aspects. Mais là, j'ai quand même passé un méchant bon moment. Puis dans tous les slashers qu'on a eu cette année, on en a eu beaucoup. Là. Il y a comme un revival du genre. C'est le meilleur qu'on a eu. Je suis d'accord. C'est un bon film d'horreur. Mais pour moi, j'ai pas été blown away. Là. Mais l'ambiance de la fête d'Halloween est là aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un film qui est bienvenu dans ces semaines-là. T'sais. Je veux dire, hier, je l'écoutais pour la deuxième fois. Puis, tu sais, ma note n'a pas baissé, mais elle n'a pas augmenté. Mais sérieusement, quand je parle de mes pantoufles de slasher de ma série préférée, ben ça, c'est une bonne suite. C'est un bon chapitre dans cette série-là. Ouais, sortez ça au mois d'octobre, c'est parfait. Je veux dire, l'aspect automne est là dans le film, puis l'Halloween aussi. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai écouté ça avec ma blonde, des amis, puis on est sortis de là, puis on était tous heureux. On a tous passé un bon moment, puis on a tous aimé ça. Fait que, tu sais, je comprends que globalement, le film est bien reçu. Là, vas-y, Marc, c'est à toi. Ben, Halloween, c'est officiellement devenu la série dont vous êtes le héros, là. C'est-à-dire, prenez votre timeline préférée, puis collez-y. Il y en a comme 12, puis c'est comme, on dirait, tu sais, c'est comme rendu des fanfictions, là, tellement il y a de versions différentes du mythe. Et la seule chose qui les unit étant le film de Carpenter, et même là, Halloween 3 est-il vraiment, à part par le titre, uni au film de Carpenter. Mais bref, on se souvient que dans Halloween, Laurie et Michael ne sont pas reliés. Et qu'est-ce qui cause la fixation mortelle de Michael Myers pour la jeune Laurie dans Halloween 1978? On le sait pas. Et c'est ça qui rend ça effrayant, en tout cas en partie. Et John Carpenter, pour ceux qui sont des grands fans de sa filmographie, il fait souvent des films sur un sujet qui est celui du mal qui se désincarne progressivement dans le film. Je donne un exemple de Thing. Au début du film, le monstre, c'est un beau chien qui court, puis il a l'air somme toute inoffensif, surtout parce que bon, la mise en scène de 1982 étant ce qu'elle est, le chien a l'air un petit peu trop heureux d'être dans le frame. Mais puis au début d'Halloween, c'est un peu la même chose. Un jeune garçon de 6 ans qui, dans les deux cas, constitue des menaces, mais qui ont l'air un peu inoffensif ou correspondent à des choses qu'on voit comme inoffensives dans notre société. Puis les deux films finissent un peu de la même façon. Dans The Thing, t'as deux gars qui se fixent en silence dans la nuit de l'Antarctique, puis t'as la buée qui leur sort ou leur sort pas de la bouche, selon les analyses. Et ils se regardent, puis on se dit, est-ce qu'un des deux est la chose? Est-ce que les deux sont la chose? Est-ce que la chose est encore là, en gros? Le mal est nulle part, mais il est rendu partout. Et Halloween se termine de la même façon, pour ceux qui s'en souviennent. Michael Myers disparaît et le film se termine sur une série de plans de maisons avec en background la respiration du tueur et avec l'enchaînement, on comprend qu'il est, Il est là, mais il est plus là physiquement. Un peu comme The Thing qui est passé d'un chien à une espèce d'entité maléfique qui a infecté le frame. C'est un peu la même chose. Halloween est passé d'un petit gars à cette espèce d'entité maléfique omnisciente qui surveille les maisons, qui est partout à la fois. Le mal pur, en gros, présent partout sans enveloppe physique. Et ça, c'est un thème qui est récurrent dans les films de Carpenter. Même Assault on Precinct 13. Prince of Darkness, tu sais. Oui, évidemment. Prince of Darkness, qui est un bon exemple aussi. Assault on Precinct 13, où les méchants, au début, c'est quatre gars, quatre bombes communistes avec des calottes de Che Guevara. Puis plus ça progresse, plus c'est... À la fin, c'est une armée d'ombre, littéralement. C'est de même qu'ils sont mis en scène. Vous le reverrez si ça vous intéresse. C'est bref, malade. Halloween se termine sur la désincarnation du mal, qui est l'idée maîtresse des films de Carpenter. Et là, t'arrives avec Halloween 2, un TV movie médiocre par Rick Rosenthal, que certains ont l'audace de comparer au film original en matière de qualité. J'ai jamais compris. Et il décide de donner aux tueurs des motifs tangible. Humain. Donc, c'est ça, humain. On l'humanise, on ajoute du lore. Michael s'est rendu le frère de Laurie parce que c'était pas le cas dans le film original. Et à partir de là, c'est sûr que tu peux plus faire un film du calibre de celui de Carpenter. Tu viens de t'embourber dans une mythologie qui est lourde. Alors que le mystère, c'est un peu le meilleur atout d'un film d'horreur. Et après 8 films qui utilisent la carte Michael et sa famille, c'est un peu devenu une pierre angulaire de la série malgré tout. Et bon, il y a des films... Il y a une grosse famille, Michael. Ouais. Il y a des films qui ont développé des trucs intéressants avec l'idée de filiation. Moi, il y en a quand même une couple que j'apprécie. Halloween 4 avec sa nièce. Jamie Lloyd. Halloween H20, vous l'avez dit, qui est quand même très similaire à ce nouveau film. Et mon petit préféré à moi, Halloween 2 de Rob Zombie. On reviendra pas là-dessus parce qu'on va en parler pendant 15 ans. Et donc là, on a décidé de retcon tout ça, cette longue série de films qui jouait avec la filiation familiale. Et on repart sur de nouvelles bases. Et ça en soi, wow! Bravo! Parce que comme je l'ai dit, il y avait quelque chose dans le film de Carpenter qu'on a perdu avec les films successifs. Le problème, c'est que David Gordon Green veut un peu le beurre et l'argent du beurre, dans le sens que... Puis le film en rit, là. Le film est conscient de lui-même. Michael a tué 2 personnes. Ça fait 40 ans, il a tué 2 personnes. 3, mettons, si on compte sa sœur quand il était jeune. Hein, ou je pense qu'il a... 5 personnes. Il tue... En tout. OK. Puis... 5. le film en est comme conscient. Il rit de lui-même, mais en même temps, la façon qu'il traite, il l'iconise, puis même que le personnage de Jamie Lee gère ça... T'as comme... Le spectateur peut pas vraiment s'enlever de la tête la franchise de 10 films parce qu'il les a tous vus. Puis, en tout cas, on dirait que la façon qu'il filme Michael puis qu'il traite Michael dans le film, t'as comme de la misère à t'imaginer le personnage de l'original. T'as de la misère à t'imaginer que c'est une suite de l'original puis qu'il y a pas eu de... En tout cas, moi, j'ai eu de la misère. Puis sinon, c'est le fun d'un côté de voir un slasher en 2018 ample, visuellement ambitieux, après 10 ans où la plupart de ces films-là sont allés en direct-to-video puis avaient des budgets rarement au-dessus de 1 million de dollars. Et par contre, moi, un peu comme je disais tantôt, nommez-moi une idée qui n'a pas été amenée. Je veux dire, c'est le 11e film de la série et j'ai l'impression, bon, OK, on raye l'idée de la filiation, mais pas mal tout ce que le film essaie d'amener, on dirait comme un mash-up de toute la série, en gros. Il n'y a pas grand-chose qui met sur la table que tu es comme, oh my God, tellement novateur. Tu sais, juste la gestion du trauma... Je trouve pas que le film a grand-chose de neuf à ajouter, qui a pas été traité par H20, mais aussi par Halloween 2 de Rob Zombie. Je suis désolé, je sais que les gens détestent Halloween 2 de Rob Zombie. Mais Halloween 2 de Rob Zombie est un film magnifique sur le trauma, sur le PTSD, où on suit le personnage de Laurie qui essaye de dealer avec ce qui est arrivé. Puis contrairement à H20 et ce nouveau film où le outcome est plus positif, puis on réussit à combattre nos démons dans Halloween 2, parce que c'est du Rob Zombie, puis c'est le gars qui fait aussi Lords of Salem, un peu sur le même sujet. C'est un film où elle cède à ses démons, elle n'est pas capable, c'est beaucoup plus nihiliste. Ça finit mal. C'est ça, ça finit mal, elle n'est pas capable de... Mais Bref, ces films-là ont déjà joué avec ça. Et là, on arrive avec ce nouveau film-là. Et on lui donne, certains critiques lui donnent l'étiquette de woke, juste parce que ça sort pendant le hashtag MeToo. Mais je suis désolé, mais ce film-là en fait peu si je le compare à plusieurs titres qu'on a couverts à Séance de minuit dans les deux dernières années sur le trauma féminin. Et les films précédents de la franchise ont fait mieux. Puis le cinéma d'horreur en est un qui est très axé sur le trauma en général, sur le trauma féminin en particulier. Et ce film-là va pas assez loin. Et c'est un peu ça mon problème avec le nouveau Halloween, c'est qu'il va pas assez loin dans beaucoup de ces éléments. J'ai l'impression qu'il tire dans tous les sens puis qu'il rate beaucoup de cibles. J'avais entendu dire qu'il y a eu 40 versions du scénario et je trouve que ça paraît... Il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu expédiés. La première partie, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé... honnêtement, les 40 premières minutes du film, j'y croyais quand même pas mal. J'aimais la façon que les différents personnages étaient intégrés. J'aimais Jamie Lee Curtis. Tu l'as dit, Steven, on a pas assez de Jamie Lee Curtis dans ce film-là. La scène au souper, qui a zéro rapport avec de l'horreur, c'est malade. Ah, c'est bon. Elle fait super bien son personnage. La petite fille de Jamie Lee, j'ai beaucoup aimé l'actrice. La façon qu'il l'introduise, j'étais prêt à comme l'accepter puis à l'aimer comme une nouvelle final girl. Mais tout est tellement expédié dans le troisième acte, on dirait que genre tout ce qui prend le temps d'installer ne sert à rien. La jeune fille a un chum, puis à un moment donné, il se chicane, puis il disparaît de l'histoire. Ouais, c'est vrai, je me suis fait cette réflexion-là. Pourquoi avoir pris autant de temps à l'établir? C'est comme pas clair. En tout cas, si quelqu'un a une théorie ou une lecture du film, dites-moi-le, parce que moi, j'étais comme, hein? Y a un psychiatre, un genre de nouveau Loomis, puis il se passe de quoi avec, puis c'est expédié. J'entends, en tout cas, soit... C'est comme je disais dans Star is Born, fais-le comme du monde ou fais-le pas pantoute. Ouais. Puis malheureusement, dans ce cas-ci, c'est genre, on suggère quelque chose, puis après ça, on s'en débarrasse. Puis, OK, pourquoi c'était là dans ce cas-là? Parce que je suis désolé, mais ce film-là, il avance trop d'affaires pour rien, pour tout jeter aux poubelles dans un troisième acte qui solutionne rien parce qu'il est trop occupé à faire du slasher. C'est comme un slasher qui essaie de donner du backstory à toutes ses victimes. Non, c'est ça. Puis je veux dire, Halloween 2 le fait aussi. Halloween 2 de Rob Zombie, là, c'est mon dada. Il fait pas mieux. Là. C'est ma cause. Tu sais, tout le monde a une cause. Moi, ma cause, c'est de défendre ce film-là. Puis Halloween 2, il dure à peu près le même temps. Puis il amène plein de personnages à la table. Puis je trouve qu'il s'en sort mieux parce que je comprends mieux où il essaye de s'en aller. Mais celui-là, on dirait qu'ils l'ont tellement réécrit qu'on... En tout cas, tu sais, des fois, tu te dis, il y a des trucs là-dedans que je suis pas sûr de comprendre leur pertinence. Fait que c'est un peu malheureux parce que je le commençais puis j'étais dedans. Quoique, honnêtement, la scène d'intro, je suis désolé, mais genre, tu sais, autant genre la façon qu'elle est filmée, tu te dis, oh my god, le réalisateur est tellement confiant en ses moyens, c'est beau à voir. T'sais, c'est beau de voir quelqu'un qui arrive dans Halloween puis qui est pas genre un petit jobber puis tu sais, il est comme. Regarde, c'est quelqu'un qui a de l'expérience derrière la cravate, qui sait ce qu'il veut faire, puis il est là, tu sais. Mais en même temps, la façon que c'est fait, avec une espèce d'asile qui a l'air d'être sorti d'un film des années 60 ou d'un cartoon, tu sais, vraiment cliché. Je te l'avais dit dès la bande-annonce, hein, ça, je sais pas si t'en rappelles, mais j'étais comme, man, cette scène-là semble sortir d'un film des années 80, comme... On n'est plus là en 2018, cette espèce de représentation-là, cartoon d'un asile. Non, c'est ça, tu sais, je suis désolé, mais genre, faites plus attention avec votre représentation de la maladie mentale. Mais bon, ça, c'est juste, regarde, c'est purement subjectif comme argument, mais moi, ça me gosse. Mais tu sais, le moment où il sort le masque, puis tu vois tout le monde autour capoter, puis Michael, il bronche pas une seconde, tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression que le mal était en lui, puis dans le masque aussi, c'est comme si, genre, quand... il y a le masque qui devient autre chose, genre je trouvais ça vraiment le fun de voir la réaction des fous autour. C'est la mise en scène qui fait la job parce que le gars il est vraiment talentueux pour donner de l'impact à sa scène, mais si tu regardes juste le contexte de cette scène là est quand même non c'est ça c'est ridicule, mais... ça fait pas de sens tant que ça là. La mise en scène est vraiment confiante, j'ai vraiment été genre cette scène là au niveau de la façon qu'elle est montée puis qu'elle est filmée. J'étais sur le cul, j'étais là, wow. Par contre, faire un espèce de montage alterné avec des personnes qui ont l'air trisomiques ou je sais pas trop, qui font des phases de parce qu'il sort un masque. Non, pas en 2018. Moi, en tout cas, en 2018, c'est quelque chose qui me gosse d'utiliser. Genre, d'utiliser ça pour faire du suspense. Puis la pire affaire dans cette scène-là, que je trouve vraiment un peu niaiseuse, c'est, tu sais, le gars, il se tient derrière Michael avec le masque. Puis la seule raison pour laquelle il se tient derrière Michael, c'est pour la caméra. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu veux parler à Michael, tu vas devant lui, là. Pourquoi tu irais derrière? C'est quoi la raison, quand il est dans un carré comme ça, de la façon que la géographie de la scène est faite, pour aller, pour pas aller devant lui? Il n'a aucune. Puis juste ça, c'est vraiment genre... Fait que déjà, cette scène-là, c'est un peu le paradoxe de ce film-là. Puis sinon, j'ai eu du fun au niveau technique, un peu comme Steven. J'ai quand même pris mon pied. La soundtrack de John Carpenter est un des meilleurs éléments. Elle est magnifique. Je l'écoute en boucle depuis. C'est vraiment ce que j'ai le plus aimé. Parce que c'est John, probablement. ça, on dirait que sa présence nous hante, même dans ce film-là, où il est comme... Genre, ça paraît aussi que t'sais, il a composé deux albums juste pour faire des tournées, là. J'ai l'impression qu'il est comme une maîtrise de son propre son. Ouais. Puis ce qu'il a décidé d'amener, c'était comme un petit peu de nouveau en même temps de mixer toutes ses influences musicales ensemble. Je trouvais que c'était maîtrisé au-delà de plusieurs soundtracks qu'il a déjà composés. Non, je suis d'accord. Il a vraiment poussé ses compétences musicales loin avec ses deux albums solo qu'il a fait. Là. Ouais, Lost Themes, c'est vraiment solide. Là. John, à la base, son père est musicien, mais lui, tu sais, c'est quelqu'un qui avait fait ses thèmes un peu sur le tas, pour ceux qui connaissent bien sa vie, avait fait ses thèmes sur le tas parce qu'il pouvait, mettons pour Halloween, il pouvait pas se le payer, puis bon, éventuellement, il a sûrement pris confiance en ses capacités parce qu'il a continué à faire ses thèmes longtemps, mais c'est vrai que là, on sent que c'est en trip du moment, puis on le sent. Puis non, tu sais, il y a beaucoup de scènes de tension qui sont maîtrisées. Je trouve que c'est, en termes de style, c'est vraiment le film qui s'approche le plus de celui de John Carpenter. On sent que l'esthétique du maître a été étudiée. Beaucoup de jeux avec le hors-champ, le hors-focus. Il y a une bonne partie du film où Michael se promène dans la ville sans masque, puis qu'on voit jamais sa face. Puis bon, à part la fucking scène gossante que je viens de parler, où on se met derrière lui pour la caméra. Je trouve que le reste du temps, il joue vraiment bien avec ça. Puis c'est du pur Carpenter là, d'être autant genre hors champ, hors focus tout le temps. Le fait que ce soit tourné au même endroit, c'est nice aussi. Tu sais, c'est la suite la plus fidèle, puis ça veut être la suite la plus fidèle. Ça veut être le petit élève modèle, mais c'est quand même une suite du film original. Et juste en ça, t'as quand même le problème que tu passes après, t'sais. C'est bien le fun de dire « Ah, je suis meilleur que les Rob Zombie », by the way, il l'est pas, là, selon moi, mais c'est bien le fun de dire ça, mais ça reste que t'es une suite, pis faut que tu fasses quelque chose, pis en tout cas, ce qui nous amène, c'est du réchauffé avec un Myers plus menaçant puis mieux amené, là, fait que... C'est du fan service, oui. Pis... Ben oui, c'est du fan service, c'est juste que, tu sais, oui, c'est du fan service, mais je suis quand même indulgent, je crache pas là-dessus, tu sais, j'avais... L'affaire que j'avais le plus peur, c'était les clins d'œil forcés, puis j'ai trouvé que globalement, tu sais, ça coulait bien. Il y en a... Moi, celui-là du drap, je l'ai peut-être trouvé un peu forcé, là, mais tu sais, il y en a qui passaient mieux. Tu sais, exemple, la nièce de Laurie dans la même classe d'école, elle regarde par la fenêtre, puis là, elle voit quelqu'un, mais c'est pas Michael, c'est Laurie. Tu sais, ce genre de clin d'œil-là, je trouvais ça bien, puis ça marchait, tu sais, c'était pas trop lourd. Là. Même l'inversion des rôles par rapport au balcon en bas, ça, c'était du gros fan service, mais c'était vraiment le fun, pareil. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi, Steven, que celui-là du drap, c'était peut-être l'affaire de trop, parce qu'en même temps, tu sais... La peur du policier, tu sais, que le policier, ce soit lui qui soit, genre là, la nuit originelle, que ça s'est passé, puis tout, puis que là, on dirait qu'il est, il comprend l'ampleur, mais pas assez, tu sais, il fait des moves, là. Je suis encore plus d'accord avec Marc-Antoine, tu sais, qui dit qu'il apporte des idées, mais tu sais, il va jamais, tu sais, pas forcément des nouvelles idées, mais tu sais, le film apporte des idées, puis il va jamais loin avec, puis même au niveau des personnages, tu sais, le fait de ramener ce personnage-là qui était là, la nuit originale, je trouvais ça nice. Puis tu sais, au moment où lui et Laurie se voient, ça me fait... Tu sais, je sais pas, il y a comme un genre de petit feeling. Puis là, je me dis, OK, ces deux-là vont suivre, va arriver de quoi, je sais pas. Puis ça n'aboutit à rien, il y a trop finalement. De personnages, fait qu'ils finissent par avoir juste une scène, une fonction. Ouais. T'sais, on les introduit au début, puis on fait bien ça, on introduit bien tout le monde, mais ultimement, la plupart des gens sont là pour mourir. Mourir, pour une fonction spécifique. Puis t'es comme, ah, OK, tu sais... C'est bien cool de donner de la chair à tes kills avant, mais en même temps, j'aimerais ça qu'ils aboutissent peut-être à de quoi de plus. Je sais pas, c'est plein de petits trucs de même qui m'ont un petit peu gossé, puis là ça, je vais vraiment sonner comme le hater, mais je l'ai dit, je l'ai aimé globalement le film, j'ai passé un bon moment, mais tu sais, même le gros hype alentour du final showdown, je pense que je préfère le showdown de H20. Ah, moi aussi, man. Je le trouve bien plus excitant, puis beaucoup plus généreux. Là, on nous met tellement d'emphase sur une Lori badass, plein de guns, que, tu sais, globalement, le showdown, c'est Lori qui se promène dans la maison, il arrive pas trop grand-chose. Puis, il y a un moment clé qui m'a donné le frisson par rapport à tous les membres de la famille. Là. Vous savez de quoi je parle, les gars, là, avec une Jimmy Lee Curtis dans l'ombre. Là. Ce moment-là, j'ai trouvé écœurant, mais le reste, j'ai pas... Je l'ai pas trouvé. En fait, j'ai trouvé les scènes précédentes plus excitantes que le showdown, alors ouais. Que Chris, le marketing a mis l'emphase là-dessus, puis j'ai trouvé cela du H20 plus hot. Il y a un bon moment, moi, j'ai trouvé dans leur duel à la fin, tu sais, c'est celui où elle se promène dans sa maison pièce par pièce. Ouais. La façon que c'est shooté, tu sais, qu'ils jouent vraiment avec le point de vue, puis souvent, t'es vraiment dans le point de vue de Jamie Lee, puis tu fouilles dans les pièces, tu sais. Genre, ça m'a rappelé là, qu'on était dans du Blumhouse, tu sais, puis il y a vraiment une esthétique. D'un côté, ça rappelle Carpenter, mais en même temps, ça rappelle les films contemporains, tu sais, James Wan. En plus, l'absence. Le suspense amenait un suspense, là. Ouais, non, mais j'allais dire l'absence de musique pendant ce moment-là aussi, il est vraiment frappant, ouais. Contrairement ouais. Au reste des scènes de suspense du film, tu sais. Ça met l'emphase sur justement le point de vue, comme tu l'as dit, Marc-Antoine. Puis c'est probablement le bout, moi je trouvais que c'était le plus stressant, puis tu cherches en même temps qu'elle, tu sais, t'espères pouvoir le trouver avant que lui la trouve, si on veut. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on nous la présente vraiment comme prête depuis 40 fucking années, qu'elle s'entraîne, tout ça, puis le moment fatidique que ça arrive, moi j'ai été surpris comment elle se fait ramasser les premières secondes, puis tu sais, elle était prête, mais elle l'est pas tant que ça face à la situation, puis elle commet des erreurs. Fait que, tu peux pas être prêt comme devant Michael Myers. Mais non, c'est ça, t'as beau te la jouer Rambo, tu peux pas forcément être aussi bon dans la réalité. Tu sais, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai juste trouvé que le film te donnait pas le bonbon qui te laissait présager avec tout ça. Là. Mais tu sais, c'est pas une mauvaise finale. C'est juste que je m'attendais peut-être à un duel un peu plus féroce et intense. Là, tu sais. Mais moi, je trouvais que la finale, comment qu'il clôt ça, justement. Il y a un plan qui m'a donné des frissons la deuxième fois que je l'ai vu, c'est quand... Bon, il va tomber, puis il se relève, mais tu sais, le dos droit, comme Michael, il se relève dans les films, là. Ouais. Comme, il a l'air d'avoir des abdos d'acier, comme s'il est juste, il est juste un robot, tu sais. Oh. Puis vraiment, ça m'a comme... Tu le sais qu'il est pas complètement terminé encore, qu'il reste une petite minute de struggle avant de clore toute l'histoire, puis je trouvais ça intéressant. On dit-tu qu'on pose une balise spoiler ici? Pas nécessairement que je veux qu'on parle des spoilers spécifiquement tout de suite, mais juste genre... Pour les auditeurs, parce qu'à date, on n'a pas dit. Puis là, genre, genre, je les laisserai aller à partir de là. Là mettons que ça rentre dans la conversation. Ça vous va? Ouais. Michael Myers est l'incarnation même du mal. Mais ce n'est rien face à séance de minuit et leur putain de spoiler. Michael? Mais moi, ce que j'ai trouvé le fun, bon, c'est un des meilleurs slashers de cette décennie, c'est évident, parce qu'il n'a pas eu beaucoup, puis surtout il n'a pas eu beaucoup avec ce budget-là. Puis j'ai trouvé qu'il y a plein d'éléments pris indépendamment qui sont super le fun. Fait que tu sais, je sais que je sonne négatif, mais ça reste que sur le coup de voir Michael se promener, puis de la façon qu'il est shooté par Gordon Green, puis de la façon qu'il est iconisé, puis avec sa série de kills, il y a vraiment des moments le fun, avec la musique par-dessus, puis le meurtre du petit nice guy, là. j'haïs tellement, genre, les nice guys, j'en parle souvent, mais tu sais, genre, en tout cas, tu sais, c'est vraiment, encore là, c'est un gars qui a une fonction, puis c'est ça, là, c'est d'être un petit asshole, puis de mourir après, mais c'était jouissif, puis le fameux segment dans la maison qui est un des moments qui a divisé là avec le petit gars qui est comme qui déconne complètement. c'est trop drôle là. Moi je pleurais, t'sais, c'est là qu'on sent un peu la touch de ces deux gars là qui envoie le gars avant, genre. Ouais, c'est ça. L'humour, ça m'a pas dérangé, moi. J'ai vu bien du monde critiquer quelques instants, mais tu sais, exemple, juste le petit moment des deux policiers dans la voiture qui discutent de leur lunch, là, ça sent le rien, banning. Mais je trouvais ça drôle. Moi, en même temps, je reconnaissais la touche du gars. Là. J'étais avec un de mes chums à la représentation à l'avant-première, puis ça me fait rire parce que la semaine d'avant, on était à Montréal, puis il m'avait parlé de ces sandwichs vietnamiens-là, les banh mi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis j'étais assis à côté de mon chum, puis genre pendant ce moment-là, je suis parti à la rive, je l'ai regardé, je suis comme, aïe, grâce à toi, je sais c'est quoi, de quoi qu'il parle. Puis c'est la même situation de une semaine dans un film, en tout cas, ça m'a fait mourir. Puis un point que je voulais amener aussi, ce que j'aimais, c'est... Tu sais, souvent, la suggestion d'un kill, puis que tu repasses dans la salle, puis tu vois le kill après. Qui est les dégâts. C'est dans Carpenter, on avait vraiment ce côté-là. Puis c'est un beau clin d'œil, ça aussi, parce que c'est amené différemment. Mais reste que, justement, dans cette maison-là, le gars avec la moto, il échappe la moto, il fume un joint, puis il va l'aider. Tu vois pas le kill tout de suite. Puis quand tu reviens après dans la maison, c'est vraiment plus éveillé que tu penses. Là, c'est drôle, mais là-dedans, Michael a vraiment une manie à vouloir fracasser la tête des gens sur des murs, des bureaux, des voitures. C'est assez top. Puis, Krim, je pense que c'est le premier Halloween qu'on voit la mort d'un kid. C'est comme un moment qui m'a un peu surpris puis pris au dépourvu. C'est un des meilleurs moments du film, j'ai trouvé, justement, parce que ça te dit, garde, t'es pas prêt, là, les petites règles des années 80, ils s'appliquent plus, puis genre, Michael, il est sauvage, puis ils font quand même bien pour établir qu'il est fucking sauvage. Le problème, c'est qu'à force de... Tu sais, quand tu veux un... Je réalisais, en regardant, en fait, mes slashers, tu sais, je me faisais ma liste de mes slashers préférés hier pour Letterboxd, puis je réalisais qu'il y a beaucoup des slashers que j'aime qui n'ont pas un si gros kill count que ça. Puis c'est quoi l'avantage de ça? C'est beaucoup moins de temps perdu à setter des morts de monde qu'on s'en fout. Puis c'est peut-être ça, ultimement, le problème de ce nouveau Halloween-là. C'est que, tu sais, c'est bien, bien cool le genre de plan séquence où Michael, il rentre puis il sort des maisons, mais tu sais, il tue des figurants. Puis ça a pas tant d'impact, la mort des figurants. C'est juste cool. Fait que, tu sais, si vous aimez les slashers... Mais c'est la réelle, la mise en scène qui met de l'emphase, au moins. Ouais. Si ça avait été réalisé de façon ordinaire puis que c'était des figurants, là, t'aurais peut-être moins trippé. Je pense que ça se contrebalance un petit peu dans la réalisation. Si t'as peur, c'est que quelqu'un rentre chez vous et te tue, peut-être que ça marche dans ce film-là. Encore là, moi, ceux qui connaissent le film Angst, ça a pas trop rapport, là, mais film autrichien qui a 35 ans à peu près, qui suit un tueur en plan séquence qui rentre chez du monde, ça me fout la chienne, puis je suis comme, oh my god. Tandis que dans celle-là, tu sais, je trouvais ça un peu artificiel. Ça faisait show-off, cette séquence-là. Puis je sais qu'elle est dans un trailer, puis qu'elle faisait triper le monde. Ouais. Mais tu sais, il y a un côté artificiel, puis c'est peut-être ça le problème, ultimement, c'est que ça aurait dû être plus recentré sur Laurie, sur sa petite fille, sur le trauma, sur des générations de femmes qui doivent dealer avec ces problèmes-là. Puis peut-être que là, ça aurait été un peu plus, justement, je sais pas, Me Too. C'est ça que je pensais qu'il allait faire. Puis c'est pour ça que je trippais au début du film. C'est que je me disais, tu sais, c'est intéressant de voir ces trois générations de femmes-là qui ont été exposées à différentes vagues de féminisme. Puis que, tu sais, aujourd'hui, avec on sort sur les Harvey Weinstein, puis tous les agresseurs comme ça, puis on voit que ça a pas tant changé. Puis des femmes d'un certain âge lèguent un monde aux jeunes qui auraient voulu différent, mais qui est encore pareil dans le fond. Puis j'aurais aimé ça qu'ils jouent peut-être plus avec ça, mais ultimement on se perd trop dans les différentes personnes qui meurent pour le thrill de c'est les ça. Tuer. Fait comme un pur slasher pour passer du bon temps, c'est le fun. Comme un film qui essaie de dire quelque chose de plus, ou qui essaie d'être un film d'horreur plus dit, puis ça marche pas tant. Fait que tu sais, c'est comme, il y a comme un plafond de verre pour ce film-là, qui est celui de film d'horreur, le fun, qu'on va checker en chum, puis qu'on va toujours s'amuser, mais qui est pas qu'est-ce qu'il veut être, je pense. Ça, j'aurais enlevé une couple de kills, puis je m'aurais plus concentré sur Laurie, puis les liens par rapport à sa fille, cette froideur qu'ils ont les deux, puis tu sais, tout le backup story par rapport à comment elle a été élevée, tu sais, dans celui-là de H20. Elle veut juste empêcher Josh Hartnett de sortir durant le 31 octobre. Là. Puis tu sais, c'est rien d'extravagant. Mais dans cela, tu sens que la fille, elle a du vécu. Puis elle a vraiment eu une enfance d'enfer à cause du traumatisme de Laurie. Ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment de quoi d'intéressant qui aurait pu vraiment aller à fond avec ça. Puis j'ai trouvé ça dommage que tu sais, ça soit expédié. Là, ça se dilue parce qu'à un moment donné, regarde, ils ont une heure. Tu sais, ils font quand même 1h45 avec ce film-là. Puis, tu peux-tu vraiment faire plus avec un slasher? Puis pourtant, on aurait eu besoin d'un petit peu plus parce que... C'est ça, il y a rien qui... Il y a aucun des arcs qui prennent tellement de temps à introduire au début qui se conclut de façon satisfaisante. Mais en même temps, c'est intéressant de voir après Halloween 2, 4, 5, 6, les premières suites avec Michael Myers, qui avaient comme pas trop de personnalité puis qui étaient vraiment des films de studio. C'est le fun de voir des auteurs comme Kevin Williamson pour H20, Rob Zombie, David Gordon Green, qui reprennent un peu le contrôle puis qui ont comme une vision peut-être un petit peu plus unique du Boogeyman. Puis regarde, vous avez le droit de pas l'aimer Rob Zombie, mais au moins Rob Zombie, comme j'ai dit tantôt, il a une direction, cherche à dire quelque chose avec ce personnage-là, cherche à faire quelque chose. Puis c'est plus intéressant que dans plusieurs des Halloween. Puis c'est pareil ici. C'est quand même un David Gordon Green. Là, c'est pas un gars qui a un background d'horreur. Il y a des drames, des comédies. C'est ça son background. Fait qu'il amène quand même une vision fraîche. Puis c'est le fun. Puis ça va être la même chose pour le Suspiria qui s'en vient. T'sais, c'est Luca Guadagnino. Là, c'est pas le King l'horreur. Là, Call Me By Your Name. Mais c'est pour ça que les moments plus dramatiques dans Halloween sont aussi bons aussi. Tu sens que le gars, il est à l'aise avec ce genre-là également. Mais c'est pour ça que c'est décevant, on dirait. Il est victime de son propre... Parce que des fois, dans les slashers, il essaie d'établir un peu du drame, mais tu sens que c'est un peu ça du marche stock. Pas. Je sais pas si je coupe court. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu la logique de cinéma porno, puis c'est pour ça que j'imagine que c'est... Tu sais, maintenant, il y a des termes comme le dérogatoire, comme le torture porn qui sont venus, mais... C'est un peu une logique de garde, je fais du feeling pour introduire des personnages, mais on sait tous que vous êtes là pour le croustillant, t'sais, dans ce cas-ci, les scènes de meurtre. Puis là, Gordon Green, il est trop bon. Il est trop bon à diriger ses acteurs, à introduire ses personnages. T'es comme, garde le tueur, il pourrait juste se faire arrêter, aller à l'asile, puis genre, on suivrait leur vie. Ça serait un bon film. C'est ça, on suivrait Jamie Lee qui deal avec sa petite fille, puis qui essaye de surmonter le trauma, puis ça serait quand même fucking bon. Le tueur a même pas besoin d'être là. Mais non, Chris. Juste la scène qu'elle attend le transfert, l'autobus avec son gun, puis finalement, l'autobus s'en va, puis elle a juste pas le cran de le faire. Elle se met à crier, puis tout ce que tu vois derrière elle, c'est une genre de forme à la The Shape de Michael. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est bon, ça! Puis cette scène-là, en plus, c'est con, mais pour moi, elle représente le film parce que j'ai trouvé qu'elle coupait genre 5-10 secondes trop vite. Parce que le film est comme, tu sais, il veut vraiment genre garder le rythme puis aller vite, mais c'est tellement fort avec la musique de Carpenter, puis elle qui pleure, puis t'es comme, oh my god! Puis là, il coupe, puis c'est vraiment sec. Il y a des jeux de montage quand même secs dans ce film-là, puis des fois, ils sont fucking nice, là, genre... Tu sais, des fois, ça enchaîne sur des espèces la de... La porte, elle ferme, puis il y a une autre porte qui ouvre dans le char de police à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des jeux de montage le fun, mais dans celui-là, tu sais, c'est comme... Elle pleure, puis c'est la nuit, puis la musique, puis après, bouh! Puis là, t'es rendu genre à l'école secondaire, puis c'est la journée, puis t'es comme... Non, t'sais. Ouais, c'était bon à ce moment-là. T'sais. C'est parce qu'il te coupe l'émotion que t'es en train de vivre. On dirait que t'as pas eu le temps de la vivre au complet, qu'on te le coupe. C'est comme tu pleures durant une scène, puis on t'a coupe, admettons. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça... Moi, je voulais revenir sur... tu sais, vous avez parlé justement que c'est le meurtre du kid. Mm. Ben ça, pas longtemps après, quand Michael, il passe dans le plan séquence, là, moi, on a vraiment senti la salle retenir son souffle quand que le bébé, il pleure, puis Michael passe devant. Tu te dis, non, il va pas le tuer, tu sais, parce que tu sais qu'il a tué le kid à une couple de scènes avant. Mais moi, c'est ça, je me... Mais c'est vrai qu'il aurait dû. Non, tu sais... En tout cas... Puis tu sais, c'est dans l'avant-première, on a vraiment senti là, toute la salle faire « Qu'est-ce qu'il va... Tu sais, il va-tu le faire? » Puis finalement, il le fait pas. Puis hier, j'attendais ce moment-là parce que j'étais avec ma blonde puis j'attendais vraiment à voir sa réaction puis je l'ai vu dans sa face. Fait que c'est vraiment... On dirait que ça met la place au fait qu'il va le faire, mais il le fait pas. Ouais. Fait que j'aimais quand même le contraste d'émotion que ça te fait sentir. Il rentre dans la maison pour tuer du monde random. Fait que pourquoi es-tu pas le bébé random? Puis tu sais, encore là, c'est quoi? On va se dire qu'il y a une conscience... On se dit qu'il y a une conscience puis qu'il va juste pas vouloir tuer un bébé, mais je veux dire, c'est de shape. Il est pas supposé avoir de conscience. Justement, il tue un kid au début. Là. Je suis d'accord avec Steven. Puis tu sais, anyway, les gens vont toujours retenir leur souffle devant un bébé parce que c'est comme un chien. Genre, les bébés puis les chiens au cinéma, le monde veut pas que ça meure. C'est sans défense. C'est ça, c'est vraiment sans défense. Puis le monde sont fru quand tu les tues. Mais ça, pour moi, ça m'a fait chier parce que c'était pas logique dans ce qu'on essaye de nous montrer de Michael Myers, qui, by the way, passe le sixième film de la série, que je sais que c'est pas dans le lore de cette série-là, mais passe le sixième film, là, Curse of Michael Myers, à traquer un bébé pour le tuer. Ouais. Puis, juste, tu sais, le fait qu'il nous le présente comme le mal, l'incarnation du mal, c'est ça que John Carpenter a essayé d'amener. C'est le mal à l'état pur, Myers. C'est ça que Loomis aussi a essayé d'amener. Le mal à l'état pur, il regarde pas un bébé puis il se dit, oh non, un enfant, bébé. Genre, je vais le laisser vivre. Genre, c'est l'incarnation de la mort. Fait que, genre, au pire, mais si tu veux pas tuer de bébé dans le film, mets-en pas. Genre, mets-le pas en situation où faut pas qu'il tue un bébé. Mais genre, ouais. S'il voit un bébé, il faut qu'il tue le bébé. Je suis désolé, là, moi, c'est ça ma vision du personnage. Puis, ce que j'aimais, mettons, avec le petit gars qui se fait tuer avant, c'est que contrairement au plan séquence, le petit gars, genre, on lui donne 20 secondes pour être établi, là. Genre, sa storyline, c'est mon père est redneck, puis il veut pas que je danse. Mais moi, j'aime ça danser. Mais juste ça, là, la façon qu'ils l'établissent un petit peu avec ça, puis il se promène, genre, autour du bus crashé avec son gun, puis on sent que... On sent l'espèce de d'enfant avec les pressions d'être un adulte à ce moment-là. Puis en tout cas, genre, j'ai trouvé que c'était fucking bien amené. C'était une leçon de réalisation puis d'économie. Ouais. Puis j'étais impressionné. Je regardais ça puis j'étais là, oh my god, si les gens qui avaient fait des Friday the 13 avaient eu autant le sens du drame, ça aurait été bien meilleur parce que c'est une belle leçon à comment donner de la personnalité à une victime qui est juste là pour ajouter un kill count. Pis... Surtout dans un slasher, tu sais. C'est ça, c'était vraiment bien. Mais quand il passe dans les maisons, là, t'es comme, ok, là, je m'en fous. Là, c'est littéralement des figurants. Je sais même pas c'est qui. Genre, ils sont juste là pour être morts, là. Pis le bébé, là, pour être épargné. Fuck off, esti. Excusez. Je pensais arriver ici pis être positif. Tu sais, sur le coup, j'ai eu vraiment du fun, mais on dirait que ce qui me remonte avec du recul, c'est plus les défauts que les qualités. Il va toujours avoir des défauts d'un slasher. Non, je suis d'accord, mais... Moi, je le vois de même, là. C'était vraiment un coton ouaté avec des pantoufles, man. Puis ça a bien été. Vos notes, les gars, c'est quoi? GF? Moi, j'y vais avec un 4 sur 5. C'est un des bons films d'horreur que j'ai... Un des très bons films d'horreur que j'ai vu au cinéma. Un des bons films d'horreur que j'ai vu cette année. C'est pas le chef-d'œuvre que le monde crie, ça a son lot de défauts, mais on parle de fun ride avec un bon kill count, puis un slasher avec un personnage mythique qui est revenu à ses bases. Go for it, Halloween, c'est un crise de bon hit, là. Steven, toi? Moi, je vais quand même avec un 3.5 sur 5 parce que Crime, c'est quand même bourré de qualité. Ça fait du bien de voir un slasher de cette trempe-là avec un réalisateur avec une touch, surtout qu'on s'est tapé une coupe de slasher merdique dans les dernières années, celui-là, il fait du bien, puis malgré ses défauts, j'ai quand même passé un bon moment, puis j'ai le goût de le revoir, fait que tu sais, c'est bon signe, fait que il mérite, là. Moi aussi, c'est un 3.5, je pense. C'est un film qui rate vraiment son atterrissage, mais comme j'ai dit, il y a quelque chose dans la mise en scène, dans la réalisation qui est confiant, qui est solide, puis c'est juste dommage parce qu'on sent que le producteur, je sais pas si c'est le producteur, mais on sent qu'il y a quelque chose quelque part qui a un peu déraillé puis étouffé un film qui aurait pu être meilleur que ça. Mais honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre les gens qui donnent, mettons, un 9.5 sur 10 ou des grosses notes comme ça à ce nouveau film-là parce que je me dis... Crime, ça veut dire que pour vous, il est à hauteur de l'original. Là. Je veux dire, il est aussi bon que Carpenter. Puis pour moi, ça reste... Tu sais, ce que Carpenter a fait, ça s'égalera jamais. Là. Ce qu'il a fait mais avec Myers, genre, tu pourras jamais faire une suite. Les suites, peu importe bonnes comme elles sont, diluent toujours un produit original qui est merveilleux. Mais on dirait que j'ai pas la même vision du film original que d'autres parce que... Il y a du monde qui en parle comme si c'était une révélation. Et malheureusement, j'ai pas vu ça dans ce film-là. Mais c'est à la hauteur d'Halloween 4 puis H2O, selon moi, H20. C'est dans cette trempe-là. Genre, c'est une très bonne suite, mettons. Ouais. Donc, les gars, c'est dommage, on est un peu à court de temps. Je sens qu'on n'avait pas totalement pressé le citron. Mais bon, on va pouvoir peut-être revenir sur ce film-là à la fin de l'année dans nos top horreurs. Il va peut-être bien être dans le top 10, au moins, de GF. Donc ça va peut-être nous faire une opportunité pour en reparler à tête reposée, peut-être amener des points qu'on est comme finalement on est déçu de ne pas avoir amené parce que on parle beaucoup à séance de minuit, mais pourtant toutes les fois qu'on finit les épisodes, on est comme fuck, on n'a pas abordé ça, puis Steven il repart la discussion pendant comme 15 minutes, puis ouais, Steven est pressé le citron, il est jamais totalement fini. T'as des studios citron, Steven, je tiens à te le dire. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à cette discussion-là, puis j'espère que ça a quand même intéressé nos auditeurs d'avoir notre point de vue sur ce film dont on entend énormément parler. Tout le monde a une opinion, donc on lance un pavé dans la mare, mais c'était vraiment le fun de dîner un peu sur ce gros phénomène qui est Halloween, donc merci. Yeah! Yes, sir! Puis on se laisse bien sûr sur une toune de John Carpenter, comment faire autrement? Distant Dream, tiré de son album Lost Themes Part 2. 1, 2, 3...